T'aurais pas un truc à tester, man? Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure? Et t'aurais pas un truc à tester? Putain, c'est même pas 9h et tu viens de taxer Glado? Allez, casse-toi, fais pas chier! Creux. Dis ma gros chose, c'est pas faux. Sur ma mère, on dit pas ce qu'on n'a pas fait. Ici, les peu descendent en pas feu. Pas de bol, rien sous l'arrêt, donc j'ai pas fui. On connaît le campus, le charbon, le plan phare. On connaît les chasses, les doigts d'honneur en pleine fuite. Le gérant arrive, le sac rempli. En tout gros, y'a pas de poche d'art en trop. Fais les deux cons, les billets, ça rempile. Elle est tout seul, gros, quand tu pars en trou. Ici, le coup d'envoi démarre rapide. Cagoule est possible que le marchand trouve. Viens faire un tour, bien loin du paradis. Le seul d'alerte, je crois que les bleus marchand trouve. Pense à maman ton rejeta. Quand tu sors, fais ton yébaf, t'arraches tout. Pour l'instant, fais ta neupée, gros, reste calme. On se verra plus tard, tu t'arraches tout. Tiens pour ma caille. On vend gros, c'est le monopole, les junkies, je manipule sur le tel minute pile. Mon pote, si c'est miné kill, je vous bêche, je m'ennuie plus. Chargé, j'ai mis les piles. Faut bien finir par serrer. Pour un cage, à taper des bons pas serrés. Donc à bouler, je commence par semer. Moi je veux pas les rejoindre, ne dis pas c'est rien. Le client se fait baiser, c'est la loi.